Des meufs ce temps-ci j'en vois beaucoup. Et comme le dit un de mes collègues, qu'est-ce que la vie d'artiste c'est vraiment vraiment trop cool. Je suis trop connu pour être en couple, mais c'est ma chichi et moi je suis son Goku. On se sent beaucoup, on forme un beaucoup. Elle me dit qu'il n'y aura plus jamais de secret entre nous. J'suis un loup de la meuf, un contrat je pète 200 l'homme. T'inquiète au moins j'en sens tout à l'heure. Dans le check, je coupe la bleue, encore un peu. On est sous de la veille, le soir je roule un joint, je bois le fond de la taille. Lorsque demain matin je démarre le reste. À 20h j'arrive et je retourne la scène. Oh boy, boy. J'ai la pénélope de la boîte. Tard la night je fly, j'ai une quicheta, j'ai mon flingue. J'ai la pénélope de la boîte, tous les mecs veulent la voir. Je fais 20 photos avant de m'asseoir, au fond là-bas je high. Du mal à faire des choix, dans ma tête on est plein. Je suis revenu tard le soir, pour les quais pour les états. Je sais que parfois je suis chiant, mais ma chérie n'en veut pas. T'es mon médicament, quand la cité me rend malade. Baby veut du Chanel, du Gucci, Louis V. Fendi. Elle connaît tous mes secrets. Elle me soulage de mes problèmes. Si je suis parti, ne m'attends pas. J'ai quitté le navire, ne m'attends pas. J'ai tourné en rond comme un compas. Et je t'ai manipulé comme un pantin. J'ai volé ton cœur dans un braquage. Je l'ai répété à tous mes copains. Devine comment je me suis attaché. Moi-même, je ne sais pas. J'emmène ma chérie en balade. J'ai mis le mode avion sur mon péna. Je dormirai plus jamais en garde. Sauf si je me fais péter pour pardon. J'ai laissé la drogue et les salopes. J'ai laissé le wood et les salopes. J'ai laissé la drogue et les salopes. J'ai laissé le wood et les salopes. J'ai la pénélope de la boîte. Car la night je fly. J'ai une quicheta, j'ai mon flingue. J'ai la pénélope de la boîte. Tous les mecs veulent la voir. Je fais 20 photos avant de m'asseoir. Au fond là-bas je high. Du mal à faire des choix. Dans ma tête on est plein. Dans le soir, pour les quais pour les états. Je sais que parfois je suis chiant, mais ma chérie m'en veut pas. T'es mon médicament, quand la cité me rend malade. Baby veut du Chanel, du Gucci, Louis V. Fendi. J'ai 1000 euros sous la semaine. Je prends Giga tous les samedis. Elle connaît tous mes secrets. Elle connaît tous mes secrets. Elle me soulage de mes problèmes. Elle me soulage de mes problèmes. Ah ouais, j'ai la pénélope de la boîte. Car la night je fly. J'ai mon flingue, j'ai la pénélope de la boîte. Tous les mecs veulent la voir. Je fais 20 photos avant de m'asseoir. Au fond là-bas, je suis high.